Et il y en a aussi beaucoup qui disent, je peux-tu déménager? Tout là, tout mon siège social, ma business, à Ottawa. Reste plus ici, là. Reste plus ici, ça sera plus vivable et c'est injuste par rapport aux autres. Je peux-tu aller au Vermont? Peux-tu aller à... Pas tous, là, pas tout le monde, mais chaque fois que... Puis là, quand vous me dites la classe moyenne, certains m'ont répondu ça. Bah, tu défends pas la classe moyenne. Ben non, on n'a pas été 50 000 dans la rue à défendre la classe moyenne. Ben non. Mais en passant, je suis pas en faveur de la taxe centime. Débarrassez-nous de ça. Moi, je veux qu'ils coupent dans les dépenses du gouvernement. On va défendre la classe moyenne. Puis quand l'entreprise de Beauce ou d'ici ou de Québec va déménager ailleurs ou va fermer, ça va-tu être la classe moyenne qui va manger ses bas? Oui. C'est bon pour personne, l'affaire à Marois. Ben oui, c'est bon. Honnêtement, c'est TBS ce matin, t'es heureux. Hein? Non, mais elle va monter les impôts, t'en payes pas d'impôts, pas en tout. Tu payais même pas la taxe santé. Il paye même pas EBS. Fait quand t'as dit on va remplacer la taxe santé partout, tu payais déjà pas la taxe santé, les riches vont payer encore plus. Peut-être bien que tu vas l'avoir, ton plus gros chèque, à un moment donné. Il y a 40% des Québécois qui payent pas d'impôts. Il y en a beaucoup qui payaient déjà pas la taxe santé. Eux autres, c'est sûr qu'eux autres, ils vont être gagnants avec Marois. Mais tous les autres, la classe moyenne, plus il y aura d'exode, plus ça va partir. Dans le monde du hockey, un bon texte de Régent Tremblay ce matin. Il a calculé, ça va être quoi l'impact de la taxe Marois sur le Canadien? C'est un Carey Price de moins par année. La hausse des impôts, qui va frapper durement les joueurs du Canadien, va faire en sorte que le Canadien devra se priver d'au moins un gros joueur d'impact par année. Mettons, là, je pense, j'ai lu en diagonale Régent, mais il a dû calculer exactement le montant de plus. Ça correspond au salaire de Carey Price. Fait qu'il dit, imaginez-vous, là, le Canadien, ça va être un Carey Price de moins par année. On va en gagner des Coupes Stanley, là. Les gens vont être contents. Ça touche qui, ça? Oh, c'est du hockey, c'est pas la fin du monde. Mais pour moi, ça touche tout le monde. Des équipes de hockey moins compétitives, des entreprises moins compétitives, des gens qui vont s'exiler ailleurs. Juste vous dire, je sais que tu donnes un petit peu, mais des fois, j'ose quasiment pas, je m'enlève ça de la tête, mais je me dis, peut-être bien que ça nous prend ça. On frappe-tu le mur en partant, là? On frappe le mur ben comme fou avec Pauline Marois, puis ensuite, on convainc les Québécois que ça prend... Tu disais que dans le fond, il faudrait peut-être voter Québec solidaire pour y arriver, mais c'est parce que là, ils appliquent tellement les politiques de Québec solidaire qu'on en est là. Moi, j'ai déjà dit à la boutade que je rêvais secrètement d'une victoire d'Amir Kadir pour qu'il pousse le Québec vers la faillite au PC. Ensuite, on se réveillera avec un Québec plus responsable, plus libre, plus respectueux des citoyens payeurs de taxes, donc un Québec plus à droite, selon moi. Mais il va falloir peut-être passer par Amir Kadir pour se rendre compte que ça marche pas tellement la gauche est influente au niveau média et au niveau intellectuel et au niveau Montréal. Qui veut pas, ça compte, le sont beaucoup. Avec Pauline, c'est Québec solidaire qui est au pouvoir. Parce qu'elle fait tout pour les convaincre, puis elle veut les... c'est sa stratégie, les verts, puis les rouges, puis les solidaires. On va le pogner le mur. Et quand le Québec sera vraiment en difficulté financière, là, on pourra arriver qu'un vrai parti de droite au pouvoir. Ça, c'est optimiste. Il faut le rester. Fin de semaine commence, surtout. 9h07.